Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Tableau de chasse, une série de Marie Guérin, réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a des traditions qui se perdent et ce n'est pas très grave. Des chasses mythologiques, l'héritage de l'ancêtre chasseur-cueilleur et le souvenir des invasions de lapins. Et puis il y a le plaisir d'enregistrer dans les bois et cette question, qu'est-ce que ça fait de tuer un animal d'une balle dans la peau ? Alors pour commencer, les personnages. Une documentariste aux aguets, un agriculteur brameur, une brameuse au téléphone, un ethnomusicologue et ses trésors, un homme à l'affût, une femme qui ausculte une drôle de pratique, des hommes des bois, des femmes inuites qui rient et un guide chasse international. Ensuite le décor. Des championnats de brame, le sol qui vibre, le chant tibétain, la forêt, des instruments en bois de serre, des mues de bons conseils, un petit train, des cerfs en rute, des nuits en forêt, des biches et leurs petits, une voiture, un animal à l'œil crevé, l'accent alsacien, la prière à Saint-Hubert et comme souvent, Eros et Thanatos. Aujourd'hui, 4e épisode, on est sur la piste d'un cerf. Ça risque rien. Ça, c'est un cerf qui a un an et demi. Ouais. Un jeune cerf. T'as vu comment il a emmanché celui-là ? C'est sa première tête. Faut voir comment il rase des murs en ce moment avec les gros cerfs. Hein. Il est en bois. Ouais. Tant qu'ils sont en velours, les autres les tolèrent. La mue sauvage ou les hommes cerfs. Un documentaire de Marie Guérin et de Guillaume Baldi. Et sortir si vous voulez. Cette histoire de brame a commencé comme ça. Ce qu'il faut, c'est si vous descendez, il ne faut pas claquer les portes. J'ai passé une nuit accompagné par des types fous de cerfs à chasser le brame. J'en rêvais depuis longtemps. Capturer l'animal sur la bande, fixer son cri et ramener le trophée sonore, preuve tangible de ma confrontation au monde sauvage. Comme tout trophée, il faut le mériter. Rester à l'affût, les oreilles pointées vers le cri de l'animal. C'est comme ça que je me suis mise à dénicher Viens toutes les prises Viens. De son de brame des audio-naturalistes Viens. Sur le net. Viens. C'est comme Viens. Ça qu'un jour, je Viens me là. Suis faite piéger, leurrée par un faux. Un faux brame s'est mis sur ma route, a bousculé ma quête. J'ai alors découvert les brameurs, ces faux cerfs, qui cherchent à être le plus proche de la vérité, qui cherchent à être fidèles à la réalité sonore du monde sauvage. Ils forment une communauté, ils se réunissent pour comparer leurs brames lors de championnats. J'ai rencontré les brameurs lors du championnat national en Moselle dans le parc de Sainte-Croix. Leurs paroles étaient un peu arides, ils voulaient surtout bramer. Imiter au mieux le rerre, c'est le cri du cerf ou du chevreuil. Tiens, j'entends Chips, le petit chien d'Alfred Bourg surnommé Freddy, un des candidats brameurs. Nous sommes derrière l'auberge familiale de Tannenheim, à deux pas du canal de la Marne au Rhin. Ici on est à Niedervillers, donc là où j'ai la ferme, et je travaille à une trentaine de kilomètres d'ici, à Turquestin-Blanc-Rue, c'est au pied du Donon. Donc c'est une commune forestière et il y a un fond de vallée à entretenir et là il y a une cinquantaine d'animaux de Highland pour entretenir ce fond de vallée qui fait une trentaine d'hectares quoi. Voilà. La et commune dont vous parliez qui était la plus étendue de Moselle, une des plus étendues, voilà. C'est Turquestin. Turquestin-Blanc-Rue, oui. Donc vous êtes agriculteur, employé communal pour Turquestin. Voilà, c'est ça. Et brameur. Et brameur en temps perdu. Depuis quand? Une vingtaine d'années que je brame. Et que je suis ouvrier communal, j'ai appris ça tout de suite après, parce que moi, du cerf ici, sur Nivervillers, il n'y en a pas. Et là où je travaille, ben, c'est les cerfs, c'est une des références en Moselle, quoi, du cerf. Quoi. C'est là qu'il y avait, il y a une vingtaine d'années, il y avait du cerf, pas en pagaille, mais il y avait énormément de cerfs. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Il y a eu énormément de pression de chasse. Donc le cerf a diminué de plus de moitié. Et il y a des endroits où vous entendiez une quinzaine de cerfs bramés autour de vous. Aujourd'hui, vous entendez 2-3, c'est bien. Et même en France, c'est un hotspot du brame. C'était, oui, je pense, oui. L'Alsace est pas loin. Hein. Tout le massif du Donon, c'était une des références, je pense, avec certains endroits en Alsace. Hein. Et la tradition d'imitation de brame, elle vient d'où, selon vous? Comment ça se fait qu'elle soit partagée dans l'Europe entière? Ça vient de quand? Ça date de quand? Ça vient d'où? Au départ, ben c'est une action de chasse, appelée le cerf. Faut pas l'oublier non plus. Hein. Je veux dire, quand on appelle le cerf dans les pays de l'Est, c'est souvent des guides de chasse qui font venir les cerfs et pour une certaine clientèle qui... Voilà, ça faut pas l'oublier. Après, bon, il y a des photographes qui l'utilisent. Mais à la base, c'est une action de chasse. Hein. Appeler un cerf, c'est une action de chasse. Donc c'est une idée d'imitation, de camouflage. Voilà, comme vous appelez le chevreuil pendant la période du rut, ou bien les oiseaux. C'est pour attirer les, en essayant d'imiter leurs congénères. Quoi. C'est comme ça que vous faites venir d'autres animaux. Il faut les bluffer, quoi, en fait. Et c'est pas évident, hein, il faut maîtriser. Parce que vous faites une fausse note, quand vous êtes loin, ça va, mais quand les cerfs se rapprochent, vous n'avez plus le droit à la moindre erreur, parce que là, ils ont les oreilles, c'est-à-dire, ils sont concentrés sur ce qu'ils entendent, donc vous faites une seule fausse note et c'est bon, hein, c'est pas la peine de continuer. Ah, c'est très... C'est difficile, quoi, hein, faire revenir un cerf et le rire du... Il faut se dire qu'il sort quand même 110 décibels. Quand il est au plus fort, hein, c'est comme le démarrage d'un avion, quoi. C'est très impressionnant. Quand vous êtes à côté, vous avez le sol qui vibre. Quand il y a un cerf qui brame, vous avez une sensation que le sol vibre, tellement c'est fort, c'est sonore. Des subs, comme des enceintes qui balancent des graves. Un tout petit peu plus loin parce qu'il peut, on peut, il peut être en face et puis qu'on les entende. Parce qu'il y en a un qui est là, toujours là. Vous pouvez sortir, il n'y a aucun problème. Avec Hildegarde, nous avons communiqué par répondeur interposé. Salut Marie. Je sais que vous vous intéressez à l'appel du cerf. Je m'appelle Hildegarde Zervos. Je suis l'unique brameuse qui participe aux championnats européens. Hildegarde est allemande. Hildegarde n'est pas chasseresse. J'ai demandé à Claire Gilly, docteur en anthropologie psychanalytique, de traduire. Dimanche 10 février à 20h17. Hallo Marie. Ich weiß, dass Sie sich für das Hirschrufen interessieren. Mein Name ist Hildegard Zervos und ich komme aus Oberzier und bin die einzige Hirschruferin Deutschlands. Als Kind lebten wir auf einem Bauernhof und waren sehr mit der Natur verbunden. Wir lebten in und mit der Natur. Heute verbringe ich jede freie Minute mit Elle dit une chose qui rejoint ce qu'elle décrivait avec la nature, c'est-à-dire que de nature, les voix des hommes sont beaucoup plus graves. Donc permettent d'aller vers des sons rauques et une imitation de la voix du cerf beaucoup plus évidente. Donc elle, de nature, a une sorte de préjudice au départ qui l'empêche d'aller vers son idéal, hein, je traduis, qui serait de pouvoir rivaliser, on pourrait dire, avec les voix des hommes. Mais nous sommes dans une époque, et elle fait partie de cette époque, où les... voix des femmes ont connu ce que j'appelle moi une mue sociale de la voix. C'est-à-dire que depuis maintenant, on va dire 70 ans, il y a une aggravation des voix de femmes qui a pu être mesurée acoustiquement à une sorte de perte d'une octave du fondamental de la voix parlée. Donc, en tant que femme, elle a dû travailler techniquement, certainement, pour aggraver sa voix. Donc, la première chose qui lui importait, c'était de pouvoir, en tant que femme, je dis rivaliser, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais tout au moins accéder à cette pratique qui pourrait égaler celle des hommes plus favorisés au départ. La deuxième chose qu'elle dit, elle parle beaucoup de son père, qui était un chasseur, et de l'importance de sa vie enfant. Elle raconte comment elle partait dans la nature, dans plusieurs endroits, avec son père qui était la maison, et donc allait au-devant de ce qu'elle appelle « Hirschruf », hein, c'est-à-dire que on trouve tout de suite, littéralement, l'appel du hirsch, du cerf. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Quand on entend, nous, le mot « bramer », on n'entend pas ce que dit l'allemand « Hirschruf ». Comme si cette sortie de la maison familiale était une sorte de rencontre ritualisée avec l'appel de l'autre. D'où on retrouve ce qui existe chez les Touva en Mongolie, c'est-à-dire une identification des enfants aux pratiques vocales du père. Elle ne peut se faire que parce que l'enfant de 5 ans est arrimé au dos du père qui part chasser. Et c'est comme s'il captait cette voix du père. Les harmoniques aiguës sont plus aiguës que le sifflement du vent. Et la voix bestiale, rauque, est plus grave que les sabots du cheval. Et cette voix permet de communiquer entre bergers dans les plaines de Sibérie ou entre chasseurs. Cette question de l'animal est très, très présente. Le Musée de l'Homme a d'ailleurs produit une série de chants, de musique, dont tout un disque est consacré à la dimension de l'appel. On revient à l'appel et l'imitation des voix d'animaux. Quand vous voyagez là pour le championnat européen, il y a quel pays qui participe ? Alors, je ne les ai pas tous, peut-être pas tous, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais bon, il y a la France, la Belgique pour la première année, cette année, l'Allemagne, l'Autriche, Pologne, République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la Lituanie, l'Estonie, et encore un pays balte, Lettonie, Estonie, oui, voilà, et la Biélorussie. Vous arrivez à communiquer avec les concurrents de ces pays ou... Moi, je maîtrise bien enfin, l'allemand, l'anglais un petit peu, donc on arrive à se comprendre. Après, eux c'est souvent, y a la majorité des pays, c'est du... Ça se rapproche du russe, quoi. C'est la Pologne, tout ça. C'est un langage à part, quoi. Mais autrement, bon, y a les Allemands, les Autrichiens, les Polonais, ils parlent un petit peu l'allemand. Et il y a certains chefs de délégation qui maîtrisent un peu les langues étrangères, donc on arrive à. Et puis après, on se comprend, quoi. Après. À travers les rares, voilà. D'accord. Ok, il faut que vous alliez bramer, non ? Oui, on a... Ça va ? Ça ira, on n'est pas à 5 minutes près. D'accord. Je vous fais une petite démonstration ici. Si vous voulez. Je commence par le brame parce que quelque part, il est attendu. Et il est tellement attendu que je préfère... Combler les attentes. Voilà, c'est ça, pour passer ensuite à différentes choses. Ça, c'est les apôts ? Non. Alors ça, c'est une flûte... Eric Nussbaecker joue d'un instrumentarium sculpté dans les os d'un cerf. Là, j'enlève la première couche d'instruments dans la boîte. Voilà, donc là on a le maxillaire inférieur, on a une partie des sabots avec les côtes, On a une partie de la colonne vertébrale qui est transformée donc os à os, donc avec les vertèbres en sifflet. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie où là, on a à la fois les omoplates, donc je soulève doucement. Et donc là, on a des métatarses, métacarpes, avec des flûtes doubles, flûtes nasales, et puis des sonailles, différents types de percussions. Et ensuite, encore dessous, voilà. Ici, on a le trophée qui est transformé en lyre, et une partie des côtes qui est réalisée en cercle, avec une peau tendue dessus. Donc là, c'est vraiment comme un tambour chaman, mais créé avec des côtes entrelacées. Et pour finir, on a l'autre partie de la colonne vertébrale avec le bassin, une peau tendue. Et là, on a un monocorde, on va dire de type africain, comme un, voilà, un soku, par exemple. Et donc, on peut faire des rythmiques très, très lancinantes, très, très, assez profondes. Enfin, l'ensemble, je peux en jouer à peu près 45 minutes jusqu'à une heure. Et je dois dire que enfin, l'idée de départ, le concept de départ, c'est de faire vivre le cerf une seconde fois. C'est de faire vibrer ses os et petit à petit ramener sa mémoire sous forme sonore, voilà, comme un langage universel. Voix du monde, une anthologie des expressions vocales, appel de chasse Mongombi. Un brameur, il va aller utiliser son organe phonatoire, non plus au niveau des cordes vocales, mais au niveau des bandes ventriculaires. C'est mieux. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais de plus ou de moins pour que ça résonne. Ah, mais ou pas. Ça, il faut. Ça, ouais, ça, bah, il faut c'est, le, ça c'est à l'oreille. C'est à l'oreille. Voilà, je sais que c'est difficile de s'entendre, mais. Moi, ça fait cinquième ou sixième. Oui, mais ce sera la deuxième. Là. Concours, donc, moi, je. Je sais les erreurs que j'ai fait avant et puis je me corrige quoi. Mmh. Ouais, j'essaie de me corriger, j'écoute les autres et puis après je m'entraîne et je sais ce qu'il faut faire. Plus détendu parce que là. Ouais, je suis crispé. Crispé, ouais. Non. C'est mieux que avant, ouais, mais c'est. C'est encore, on sent qu'il y a, c'est tendu, quoi. Ouais, je sais pas ce que, naturellement. Il faut que le son, ce soit fluide. Faut que ouais, soit... Moi, je réfléchis peut-être trop. Peut-être, oui, voilà, il faut que ça vienne. Peut-être trop de mouvement. Ouais. De mouvement, faut voilà, le cerf, c'est-à-dire quand il brame, il commence et après il allonge la tête. En fait, c'est pour ouvrir l'œsophage, quoi. C'est. Il monte, et là le son, il vient plus, il porte de plus en plus quand il ouvre. Et en fait, moi, dès que je monte, ça me coupe le sifflet, c'est ça qui. C'est comme un tube, hein. C'est comme un tube quand il a la tête vers le bas qui brame. Je veux dire, sa trachée, il y a une courbe dedans. Et quand il allonge la tête comme ça, la trachée est droite. Et là, le son, il porte. Le truc que vous faites avec un à-coup, vous faites le mot E et c'est serré automatiquement. Le rire de poursuite, ouais. En fait, quand il est derrière la biche. C'est après, chacun. Moi, je l'ai fait. C'est coupé, quoi. Faut s'imaginer le cerf qui suit la biche, donc il est en mouvement. Et en fait, le hop, c'est à chaque fois qu'il donne. La respiration, c'est un. L'onde de choc. Quoi, voilà, c'est ça, en fait. Faut faire. Et vous, c'est comme. Et là, vous déplacez la peau. il faut déplacer un peu la peau, ça fait une impression de déplacement. Hein. Il faut, en fait, quand on fait un concours, c'est, il faut leurrer le jury. Quoi. Dans la nature, c'est le cerf, mais après, dans un concours, c'est le jury qu'il faut essayer de bluffer. Quoi. Il faut lui donner l'impression, que c'est ça. C'est ça, quoi. Donc, la voix, le déplacement... Dans le parc, un petit train promène les visiteurs entre cerf et loup. Il y en a trois. Il y en a quatre. On en a une quinzaine des cerfs, des mâles. Mais c'est vrai qu'ils ont le droit d'aller un petit peu partout. Et on commence à se rapprocher d'une période assez particulière où les mâles vont être un petit peu perturbés. Vous savez ce qui va se passer bientôt chez les cerfs ? Exactement, le brame. Qu'est-ce que c'est le brame ? Vous dormez quand ? Vous passez vos nuits en forêt ? Vous savez, les cerfs sont en rute. Je pense que c'est un rute pour l'homme, mais qui sert à rien. Moi, c'est mon plaisir, c'est ma... Et moi, je comprends mes cerfs. Quand je parle, c'est pas que je veux pas vous... Je vous regarde pas, c'est pas que je veux pas vous voir. Au contraire, mais c'est que je cherche à droite, à gauche, je suis comme un aigle un peu. Il y a deux pépères qui traînent là, dis donc, je te dis que c'est des gros papas. Il y a six animaux, trois biches, trois fonds. Et le cerf doit être derrière, il n'est pas sorti. Si tiens le Galtorio. Ah ben il est 11. Hein. C'est Charles. Charles 10. Ah là vous allez voir bramer là. Si peu de temps. Je peux sortir. Oui, oui. Ça va pas le faire fuir. Non. On va faire deux gestes. De toute façon, le côté qui nous regarde, là, il a l'œil droit crevé. Je peux sortir vraiment. Oui, mais il ne faut pas aller vers lui. Hein. Non. On reste là, statique. Les cordes vocales là. Après, en action de chasse, du coup, vous devez avoir aussi prendre conscience de la propagation par rapport au vent et tout ça de. Du son, oui. Ouais. Mais en même temps, quand le problème c'est le son. Si vous avez le vent favorable, il vous emmène le son vers l'animal, mais les odeurs aussi. C'est parce qu'il n'y a pas que le cerf, hein, il y a les biches. Souvent, c'est les biches qui donnent l'alerte. Le cerf, lui, il est dans son élément, il est en train de bramer, ou il suit les biches, il a. Voilà, il a les. Il a mis le nez partout, quoi, il s'est souillé, donc il a plein d'odeurs, donc il n'arrive plus à distinguer. Mais par contre, c'est les biches. Hein. Les biches, elles vous. Tout de suite, elles font attention, c'est les yeux, le nez et les oreilles du cerf, quoi. Et cet instrument, vous le trouvez dans un magasin pour chasseurs ? Alors celui-là, je l'ai ramené du salon de la chasse à Dortmund, en Allemagne. Mais vous trouvez ça sur Internet, ou même à Sainte-Croix, aujourd'hui, ils en vendent. D'accord. Voilà. Un jeune cerf qui est altier, hein, regarde, il est. Mais. Dès qu'il voit la voiture, il se casse. est pas vilain cerf, hein. Non, non, il est pas vilain. Il est dit corps jeune mont, toi, mais... Regarde-le. Ah, il est juste 10, tu vois. Peut-être, il y a peut-être une petite empoimure à gauche. Ça sent, hein. Ça sent que c'est... Il y avait un pauvre gars, quoi. Pauvre gars qui avait... Lui, c'était... son plaisir, c'était se rouler dans une peau de cerf, en route. Pauvre gars, il est mort, tout le monde le prenait pour un con. Faire demi-tour, il reviendra tout à l'heure. Bon, déjà, c'est pas négatif. C'est génial. C'est la première fois que vous assistez à ça. Ben oui. Pour faire la différence. Et ça, les gens ne l'ont jamais entendu. Alors, on fait ça, les gens. Donc, c'est vrai que je peux expliquer. On impose des voix, et que si les jurys passent une autre, vous allez à la rencontre d'une petite foule, d'hommes, qui s'appellent des brameurs. Ils ont donc un nom qui les réunit, et ils ont en plus une pratique qui les réunit. Quand avec leur voix, ils vont à la rencontre d'animaux très spéciaux qui sont des cerfs. Eh bien, quand il y a le truc, quand le compito, je suis dedans. Je m'occupe, ah, mais quand là, ça direct, je me dis c'est quoi ? Ces hommes ne sont pas dans le langage, ils ne sont pas dans le chant, ils sont dans le cri. Un cri qui n'est peut-être pas le leur, qui est le cri de l'animal, qu'ils vont faire sonner, soit par leur propre voix, leur propre bouche, soit à travers un instrument. Or, ce mot bramer est un mot quand même passionnant, parce que le brame, c'est un appel comme un appo, qui va venir capter l'autre, phénomène de captation, de rapt, presque de possession. Voilà, donc ça, c'est je ne sais. D'accord. Okay. On va le AE, le A. Bon, ensuite, fais-moi un rare de cerf qui cherche des biches. Bon, c'est le brame qu'on connaît, classique. Il y a un moment où l'enjeu n'est plus d'attirer l'animal, comme avec un appât, pour le prendre dans un filet de papillon symbolique, ou pour le tuer, mais qu'à un moment, ce temps de rencontre est tel qu'il suffit. C'est-à-dire qu'on déplace ce qui pourrait être la jouissance de tuer un animal à une jouissance tout à fait autre d'une rencontre. Je pense qu'il y a une sorte de fascination pour ce face-à-face, par voie interposée. Pas trop, enfin pas. C'est un jeune cerf. Il faut vraiment qu'on sente, c'est un jeune cerf. Bon, donc, ce qui était le plus à l'aise, tu vas le retrouver dans le cerf de place. T'as le cerf qui brame. Oui. Le cerf qui brame classique. Mmh. Hein. Ensuite, il poursuit les biches. Mmh. Le fameux. Ben, c'est ça que. Ça, c'est pas la poursuite, ça, c'est des roues. Hein. Et dernière acception du terme qui est absolument passionnant pour ce qui nous concerne, c'est que bramer, c'est aussi désirer ardemment. Oui, mais t'as pas fait tu m'as pas fait, c'est pas la poursuite que tu m'as fait. Là-bas. C'est peut-être comme s'ils étaient possédés par ce cri animal, en fait, ou qu'à un moment, ils étaient dans une sorte de communion mythique, mystique avec l'animal, et qu'ils avaient peut-être aussi du mal à en revenir. Donner cette impression qu'il y a un déplacement. Non. C'est-à-dire que dans ce moment de rencontre de l'autre, l'autre animal, ils vont vraiment incorporer cette voix de l'autre. Bon, je vais le faire. Et on peut essayer, non ? De bramer ? Oui. Ah bon. Ah oui. Mais on c'est vrai que du coup, sur rien, moi, je suis pareil, ne vous inquiétez pas. Là, il y a un simple avec un simple. Ah, parce que je... Ouais. Freddy, là, avec ton PVC, là. Madame, elle voudrait essayer. Avec ça. J'ai un lavogienne dans le. Ah ouais, bah avec lavogienne. Ouais. C'était une dent. Quelqu'un peut me refaire un. Mais lequel ? Quelque chose que je dois imiter, qu'est-ce que ça ? Je le mets comment? Être étanche. Tout. Être étanche. Essayez voir comme ça déjà. C'est le jury par rapport aux critères qu'on a mis au début des preuves. Ah ouais. Au début des preuves, le jury donne des critères de qualité. C'est pas pareil. Je sais même pas d'où ça doit venir. Ça doit... Non mais je vois même pas d'où la force... Un bon rond. C'est ce qu'on appelle un rond. Tu veux essayer? C'est comment? Non, encore d'eau, calme. Là, il y a un côté. Il faut l'envoyer. Voilà, pas maintenant. Après, il faut arriver à vibrer, à faire vibrer les cordes vocales. Non, mais déjà, ça tourne là. Bah, ça, c'est le manque d'air, ça. Tu es sollicité. On me suit à la passe. Bonjour. Vous voudriez faire tout quand? Charles Richter. Marie Guérin, enchantée. Très heureux. Voilà, bonjour. On est des chasseurs de sons et on a rencontré Freddy. On n'est pas des chasseurs avec une arme à feu. En tout cas, on a les oreilles tendues comme les brameurs. Voilà, on continue. Freddy a dû vous expliquer ce qui vient de se passer dans les dernières, dans les derniers 8 jours. Le championnat d'Europe, où la France a brillé au plus haut niveau en éliminant tous les favoris depuis une vingtaine d'années, les Hongrois, les Polonais, les Tchèques. Mais ils ont été très sports, ils ont reconnu la suprématie française de cette année. Et avec une relève, puisque c'est, il a 28 ans, Virgile. Ah oui, oui, tout à fait. Ben, vous le verrez demain, vous serez là demain, non? Oui. Ouais, ouais. Ah oui, là, il a bluffé tout le monde. Hein. C'est aussi simple que ça. On ne le connaissait pas il y a un an. Il est venu de l'Auvergne participer au championnat national. Et il a fait... Il a été deuxième, et du coup, il était parmi les 3 premiers qui sont allés au championnat d'Europe, c'est ça la règle. Et au championnat d'Europe, il fait premier, c'est dans l'histoire de la discipline, et dans les pays de l'Est, c'est une religion. Hein, là, ils ont des écoles, c'est vraiment la grande tradition d'imiter le rire du cerf. Pendant le Brahm, bon, il faut pas se leurrer. Au départ, ce sont toujours presque exclusivement des chasseurs qui essayent d'attirer les animaux, non pas forcément pour les tirer, mais pour les observer, pour écouter. Pour il y a beaucoup. Ben, Virgile, lui, a choisi cette discipline parce qu'il est photographe animalier, bien qu'étant chasseur. Et ça lui permet de photographier mieux les animaux. Et depuis qu'il pratique, il a réussi des clichés, paraît-il, qu'il n'aurait jamais pu réaliser autrement. Vous avez des trompes-oreilles. C'est de l'illusion, c'est oui, du... Voilà. Il faut les bluffer. Tout à fait. Oui, oui. Je ne sais pas si vous êtes... où vous êtes allé déjà au Brahm Oui, mais à Rambouillet. Mais quand vraiment il fait le cerf de place comme... Il essaye d'impressionner ses ribauds. À mon avis, c'est quand même... C'est puissant. Hein, c'est... Mais c'est lui qui a fait le boulot. Il est venu vers nous. Chercher des niches. Il y a un autre cerf qui traîne. Il y a un autre cerf qui longe. Il va aller la raccompagner pour aller chercher les. Il a le heurt de 6 animaux, 3 biches, 3 fleurs. Les biches qu'on a vues là tout à l'heure. Qu'on a vues tout à l'heure. Vous croyez que je peux approcher un tout petit peu? Enfin, voilà le brame authentique. Moi, j'irai pendant les vacances chercher les légumes aussi. Comment il est, Charles? Ah, mais comme dit, blague à part. Charles, il commence à être un peu... Juste envie de voir la tête que tu fais. Mais facile. Non, ça, tu vois, je... Il a pris un peu d'alcool. Quand je te dis 100 kilos. Un petit peu. Attention, il... T'as presque un goût de noix dedans. C'est presque un vin de noix. C'est curieux, hein. Là, c'est vrai. Et ça se boit tout seul. Comment on trinque chez les chasseurs? Moi, je trinque avec la main droite. Moi. Saint-Hubert, il a une manière de trinquer? Oui. Ah! Pas Saint-Hubert, mais ici, les traditions locales issues des traditions germaniques, on dit quand un chasseur a prélevé un animal, on le félicite en lui disant « Weidmannsheil ». C'est une expression allemande qui veut dire « gloire au chasseur, honneur à l'homme des bois ». Pas forcément, oui, mais au chasseur, ça peut être, il peut avoir prélevé son gibier en plaine, pas forcément dans les bois. Et lorsqu'on trinque, on le fait avec la main gauche. Toujours. Lorsqu'on salue, les chasseurs se saluent entre eux, ou avant de partir à la chasse, lorsqu'on dit « Weidmannsheil », c'est un souhait de réussite. Et là, par contre, on répond « Weidmannsheil » et pas « Weidmannsdank ». « Dank » en allemand, ça veut dire le merci. On doit répondre « Weidmannsdank ». Qui reçoit le brisé, c'est-à-dire la branche. Et qui, on lui remet ce qu'on appelle la brisée. La brisée, c'est voilà. Une branchette de sapin. Qu'on lui remet soit sur la dague de chasse, soit sur le chapeau. Et donc le Weidmannsdank veut dire « honneur à l'homme des bois » et l'homme répond « merci à l'homme des bois ». Ça veut dire qu'on est devenu son égal. Voilà. C'est très beau. C'est la définition de... Alors là, on fait Weidmannsheil. Weidmannsheil. Weidmannsheil. Weidmannsheil. Et on rentre à pied. Et qu'est-ce qu'on chante? Alors là, un beau chant. Alors là, moi je pense que c'est terminé là. On a le spécialiste quand même. Vous pouvez réciter les paroles pour la beauté des mots. Eh bien, je vais vous réciter la Saint-Hubert. Donc, au Saint-Hubert, au patron de la chasse, soit qu'exalté la fanfare au galop. En récitant, je ne vais plus loin. Au Saint-Hubert, au patron de la chasse, toi qu'exaltais la fanfare au galop. En poursuivant l'animal à la trace, tu le forçais sous l'élan des chevaux. Nous, les derniers descendants de ta race, arrache-nous au plaisir avili. Remplis nos cœurs de jeunesse et d'audace, dans la forêt fais-nous chasseurs hardis. Quand tu viendras la chasse terminée, pour appeler notre nom à son tour, épargne-nous les tristes mélopées, tu sonneras pour nous le grand retour. Alors effectivement, chez les Inuits, on a le chant des phoques, qui est un chant où les femmes imitent les halètements érotiques de l'amour, quelquefois très proches des halètements du dernier soupir avant la mort. Mais en fait, c'est pendant que les hommes sont partis chasser le phoque, que les femmes seraient dans une sorte de communion avec leurs hommes et ces bêtes qui vont être tuées et qui vont être mangées pour survivre pendant l'hiver. Et ce moment-là encore d'appel de la langue jusqu'à épuisement du souffle et à ce moment-là une sorte d'éclat de rire qui vient un peu démythifier ce moment où on frôle la mort et où la mort est évoquée. Voix et souffle de femme inuite, trois jeux de gorge. Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi h Donc là, on a les deux demi-maxillaires inférieurs. Il a fallu trouver un squelette qui, au départ, n'était pas nécessairement un squelette de cerf, ça pouvait être un squelette de cheval, etc. Mais il se trouve que le cerf représentant à lui seul la nature sauvage, moi, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir la nature et de se rendre compte aussi que quasiment toutes les civilisations ont pris le cerf comme symbole, à la fois, effectivement, de force, mais aussi ces bois sont un symbole, une sorte d'idéogramme vivant, c'est-à-dire que ça se reconnaît immédiatement, et ça a été utilisé dès le début de l'humanité. Hein, donc on retrouve des peintures rupestres, on retrouve des dessins, on retrouve effectivement après de la peinture, de la sculpture. Donc jusqu'à aujourd'hui, le cerf est une sorte de mystère, parce qu'il est, commun, il est proche finalement de la civilisation, proche de nous, et en même temps, toujours aussi sauvage, et il nourrit un fantasme, une mythologie extrêmement complexe qui m'a attiré. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est à la rigueur un cerf qui tourne autour de la place de Brahm et puis un autre qui fait le rire de place. C'est jouable ? Ouais. Il y a une mise à mort symbolique de l'animal, le déposséder de sa voix, c'est presque le dépecer, lui retirer quelque chose de son sang, le sang, le sperme, la bile, tous les liquides du corps ont le même symbolisme, aussi bien au niveau des mythes que du niveau dans les contes et légendes, où il y a même je pense à un certain Rosenberg qui parlait de la voix comme sperme intemporel et qui passait par exemple entre l'animal et l'homme ou qui était partagé dans la communauté. Quoi dire, ben Diane l'a chassé, hein, Actéon l'a chassé. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire avec Actéon? La légende, si j'ai bonne mémoire, il a été transformé en cerf et les chiens ne l'ont plus reconnu en tant que propriétaire et ont mangé Actéon, si mes souvenirs sont bons. De mémoire, c'est un peu difficile. Et pourquoi Diane le transforme-t-elle en cerf ? Parce qu'il me semble-t-il qu'il les avait vus se baigner nus dans une mare et voilà. Vous avez des bestiaires ? Oui, aussi. Oui, j'en ai. Et il y a un ethnologue, Bertrand L. Alors lui, qui a fait des études sur l'histoire de la chasse, et notamment la chasse du cerf, où il évoque les chasses des djinns, les esprits, Saint-Hubert. Tu sais, je me suis dit, tiens, fais-nous entendre ta voix, parce que c'était un nouveau. Non, il n'a jamais fait ça. Les énergumènes enragés sont des possédés du diable, et la force sauvage qui les anime est un mauvais souffle. Entre 1720 et 1726, une affaire de possession collective fait sensation dans l'archevêché de Rouen. Par leurs cris, leurs hurlements et en imitant les chats, les loups et toutes les bêtes de la création, perturbaient-elles les conseillers. Et le prêtre exorciste de préciser que ces aboyeuses sont capables de manger des charbons ardents, de parler des langues étrangères et surtout de révéler des choses sacrées et inconnues. Ce don divinatoire nous intéresse. Se transformer en bête sauvage et voir l'invisible. Bertrand L., le sang noir, chasse et mythe du sauvage en Europe. Comme un lion parfois. Ça c'est une chaîne, ça. On va juste faire un peu avant de manger. Pardon. Non, excusez-moi. Vas-y. On se met juste pour la photo officielle. Voilà, face à la fenêtre, il n'y a plus de cerf derrière, mais c'est pas grave. Ici avec la, en pleine. Il faut le faire venir. Hein. Voilà. Bonjour. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils sont tous là. On s'est introduit dans la horde. Oui, voilà. On va dire dans la horde. On est sur la photo d'un On est accepté ? Oui. Voilà, serrez-vous bien, voilà, serrez-vous. Tenez-vous chaud, messieurs. Voilà. Voilà. On se serre, on se serre. On se biche maintenant. Bichez-vous maintenant, après vous êtes serrés. Voilà. Et un petit coup de gueule. Et on parle de voix pour le cerf. Oui. On parle de voix. On va manger. Ah oui. On dit, on a entendu une belle voix. Oui, c'est vrai. Et vous, pour travailler, vous êtes allé voir des profs de chant ? Non, pas du tout. C'est à force d'en entendre des centaines qu'on arrive à être proche de leur voix à eux. Et on sait, par rapport à leur langage à eux, s'ils ont des biches, s'ils n'ont pas de biches, etc. Donc, à force, on se transforme un petit peu en cerf, quoi. Et on arrive à discuter avec eux. Vous êtes le papa d'alexis ? Voilà, c'est ça. C'est ça ? Wolfgang ? Voilà. Enchanté. Marie Guérin. Enchanté. Et vous chassez, contrairement à Alexis ? J'ai chassé, on peut dire, toute ma vie, parce que pendant 5 générations, on était garde et guide de chasse. Vous étiez guide de chasse à travers le monde entier ? Non, uniquement dans l'Est de la France et la France. Là où il y a du cerf. D'accord, là où il y a du cerf. Voilà. Du fait que je discute avec les cerfs depuis une quarantaine d'années, les gens en profitent pour me demander... C'est l'Est de l'Europe que tu as dit. Pardon ? Tu as dit l'Est de la France et la France, c'est en Europe ? Oui, c'est en Europe, bien sûr. Oui. Voilà. C'est-à-dire dans les pays de l'Est, voilà. C'est ça. Et oui, j'ai été beaucoup demandé pour pouvoir faire voir des cerfs à des tas de gens. Et ça remonte à quand, ça, en fait, cette discussion, ce dialogue avec le cerf ? Ah, je ne sais pas, j'avais mon père qui le faisait normalement, couramment, à chaque passage du Brame tous les ans. Et dans les pays de l'Est, ça existe depuis 30-40 ans. D'accord. Et c'est quand même un plus, hein. Ça aide à pouvoir voir des cerfs qu'on n'arrive pas à voir normalement dans la nature, surtout concernant les vieux cerfs. Et avec la peau, on arrive à les voir. D'accord. C'est un plus. Mm-hmm. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Wolfgang. Vous participez demain, j'imagine ? Eh oui. Et ouais. Vous avez le trac ? Non, parce que ça fait comme depuis le début que je suis là. Ça va faire la 6e année demain. Et en 5 ans, j'ai quand même été 2 fois champion de France, 2 fois vice-champion. Et l'année dernière, j'ai glissé à la quatrième place, quoi. Parce que j'ai un peu abusé à faire plaisir à beaucoup de gens qui m'ont demandé de bramer. Voilà. Et puis ça brûle un peu les cordes vocales. Le son n'était pas assez bon, puis voilà. D'accord. Mais ça fait partie du truc. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, la question de la mue qui a été travaillée par Pascal Quignard est absolument passionnante parce que lui-même va dire à un moment que le jeune garçon en train de muer a un bêlement d'un bouc. Il va donc chercher une métaphore animale pour expliquer quelque chose de la rossité. La mue, c'est 2 choses. C'est bien sûr un changement dans la voix qui est perceptible, aller vers une autre voix. Les brameurs vont vers une autre voie qu'ils anticipent, qu'ils imaginent, peut-être qu'ils fantasment. En tout cas, c'est un voyage, c'est un passage de frontière vers quelque chose d'étrange, unheimlich, qui a une sorte d'inquiétante étrangeté. Et d'autre part, il y a tout cet aspect pulsionnel qui fait que, dans le livre de Hell, qui parle de ce côté d'ensauvagement du chasseur, il y a la Jagdfieber, la fièvre de la chasse, qu'on peut traduire en termes de pulsionnalité. Le brameur, le chasseur, est envahi d'une fièvre, d'une pulsion, au même titre que l'animal, à des périodes très particulières qui sont celles du rut. celle où tout le sexuel à fleur de peau et à fleur de voix vient subvertir l'animal. Comme si dans ce que j'appelais ce tsunami pulsionnel se rejouait quelque chose du moment pubertaire et où la voix s'étrangle devant le désir, devant la sexualité qui est là, et puis aussi la rosité, l'étranglement, c'est tout proche du silence de la mort. Y aura-t-il mort à la fin du Brahme ? Vous êtes d'où exactement ? Moi, je suis du secteur, je suis de Haut-Martin, à Sarrebourg, à côté, quoi. Mais vous, vous bramez pas ? Ah non, non, pas moi, ce serait une horreur. Je suis un musicien très mauvais, mais un bon mélomane. J'adore la musique. Et en fait, ça rejoint la musique pour, les, gens, pour les gens qui aiment la musique. Et je suis persuadé que les brameurs sont des musiciens dans la vie. Sinon, ils ne pourraient pas le faire. Après, il faut de l'oreille, quoi. Au Saint-Hubert, patron, des grandes chasses. Bon courage, messieurs. C'est parti. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce sixième championnat national d'imitation de Brame du Cerf. Sixième championnat organisé par le Parc animalier de Sainte-Croix en collaboration avec la Fédération des chasseurs de Moselle. C'est très intéressant de retrouver l'étymologie du mot chaman qui est Taïdiba. Chaman Taadiba en samoyède, alors que être en rut c'est Taadara. Ta, c'est la même racine. Le chaman est celui qui va imiter, pourrait-on dire, le rut de l'animal, mais plus que ça, il va être possédé par cela et l'animal permettrait de dégager l'humain de ses symptômes, de ses maladies ou des possessions par les esprits. Je vais donc appeler dans un instant le premier candidat. Je vous rappelle donc qu'il ne faudra donc pas applaudir. Donc, c'est le rêve du jeune cerf. Jury. Merci, jury. La mue sauvage ou les hommes cerfs. Un documentaire de Marie Guérin et de Guillaume Baldi. Merci à l'équipe du Parc de Sainte-Croix. Prise de son, Jean-Marie Porcher. Mixage, Alain Joubert. Chasseuse, brameur, braconnier, anti-chasse, lycéen à fusil ou randonneur, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en bramant, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez nous podcaster sur toutes les plateformes et nous suivre sur la page Facebook de France Culture, sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et la semaine prochaine, on ira se poser la question de l'usage des drogues. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, une vie, une œuvre et l'expérience, qui vient de diffuser, dimanche dernier, une création sonore sur une chasse en Roumanie par Amandine Casadamon. Alors pour prolonger cette semaine chasse, jetez-y une oreille en podcast ou en replay.